France Musique. Bonjour Nathalie Piollet, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Ce matin, c'est concert, comédie musicale de chambre sur la 42e rue. France Musique. The next stop is 42nd Street. Come here, venez. This is the proper. Voilà le décor approprié à la scène. Why, it's just an empty stage. Mais je ne vois qu'un plateau désert. À première vue, oui. Mais patientez. Un beau coucher de soleil. Des lumières vives dans un jardin. Nous ajoutons 500 000 kilowatts de poussière d'étoiles. Laurent Vallière, 42e rue. Come and meet those dancing feet. 42nd Street. Je déclare la 42e rue de France Musique ouverte. Bonjour à tous et meilleurs vœux de la part de Fabien Flora, de Perrine Mingui, de Martine Moni, d'Adeline Omello et de toute l'équipe de la 42e rue. Stephen Sondheim est un auteur surdoué de comédies musicales. Le parolier de West Side Story a surtout composé une quinzaine d'œuvres originales qui ont dépassé le genre de la comédie musicale traditionnelle et exploré des contrées inédites. Dans Pacific Overture, par exemple, il racontait en chanson et en musique l'ouverture du Japon à l'Occident. Dans Sunday in the Park with George, il évoquait en musique le pointillisme et l'art à travers le portrait du peintre George Sorrow. Dans A Little Night Music, il adaptait carrément un film d'Ingmar Bergman, Sourire d'une nuit d'été. Et puis avec Sweeney Todd, il créait une comédie musicale grand guignol aux allures d'opéra. Cet été, les BBC Proms ont proposé un concert de musique de chambre à l'occasion du 85e anniversaire de Stephen Sondheim. C'est ce concert que je vous propose ce matin pour ouvrir tout en douceur cette nouvelle année de comédie musicale. Le concert s'est déroulé lundi 17 août à Londres, au Cadogan Hall. La formation musicale était donc très restreinte. Richard Sisson au piano, Anthony Broome au saxophone. Et les interprètes sont la soprano Kitty Whately et Jamie Parker, ainsi que la grande actrice Sharon Phillips, la femme à une époque du grand acteur Peter O'Toole. Ce concert débute avec quelques chansons nerveuses, portraits de personnages typiques des comédies musicales de Sondheim. Il y aura un loup dans la forêt qui drague le petit chaperon rouge. Il y aura un esclave dans la Rome antique, épris de liberté. Et pour débuter, un rebelle sous une dictature dans une petite ville américaine. Everybody says don't. Everybody says don't walk on the grass, don't disturb the peeps, don't skate on the ice. Well, I say, walk on the grass was meant to feel. I say, sail, tilt at the windmill, and if you fail, you fail. Everybody says don't get out of line. When they say that, then, lady, that's a sign. Nine times out of ten, that you are doing just fine. Make just a ripple. Come on, be brave. This time a ripple. Next time a wave. Sometimes you have to start small. Climbing the tiniest wall. Maybe you're going to fall, but it's better than not starting at all. Everybody says no, everybody says stop, everybody says mustn't rock the boat, mustn't touch a thing. Everybody says don't, everybody says wait, everybody says can't fight City Hall, can't upset the cart, can't laugh at the king. Well, I say try. Laugh at the kings or they make you cry. Lose your poise. Fall if you have to, but lady, make a noise. Everybody says don't, everybody says can't, everybody says wait around for miracles. That's the way the world is made. I insist on miracles. If you do them, miracles. Nothing to them. I say don't. Don't be afraid. calm, I'm calm, I'm perfectly calm, I'm utterly under control. I haven't to worry where others would hurry, I stroll. I'm calm, I'm cool, a gibbering fool is one thing I'd never become. When thunder is rumbling and others are crumbling, I hum, hum, hum, hum. I must think calm, comforting things, butterfly wings, emerald rings, all a murmuring brook, murmuring, murmuring, murmuring. Look, I'm calm, I haven't a qualm, I'm utterly under control. Let nothing confuse me or faze me. Excuse me. I'm calm. Oh, so calm. Oh, so. Look at that fish, pink and plump. Hello, little girl. Tender and fresh, not one lump. Hello, little girl. This one's especially lush. Delicious. Hello, little girl, what's your rush? You're missing all the flowers. The sun won't set for hours. Take your time. Mother said straight ahead, not to delay or be misled. But slow, little girl, hark and hush. The birds are singing sweetly. You'll miss the birds completely. You're traveling so fleetly. Grandmother first, then Miss Plump. What a delectable couple. Art of perfection, one brittle, one supple. One moment, said, my dear. Come on, May, follow the path and never stray. Just so, little girl. Any path, so many worth exploring. Just one would be so boring. And look what you're ignoring. Think of those crisp, aging bones. Then something fresh on the palate. Think of that scrumptious carnality twice in one day. There's no possible way to describe what you feel when you're talking to your meal. Mother said not to stray, still I suppose a small delay. Granny might like a fresh bouquet. Goodbye, Mr. Wolf. Goodbye, little girl. And hello. Un loup qui drague le petit chaperon rouge dans la forêt. Hello little girl. C'est un extrait de Into the Woods, la comédie musicale de Stephen Sondheim et James Lapine qui revisite de façon amère les contes de fées traditionnels en 1987. Auparavant, on a entendu I'm Calm, je suis très calme, la chanson de Hystérium. Un esclave hystérique, vous l'avez compris, dans une maison romaine au temps de l'Antiquité, dans la toute première comédie musicale de Stephen Sondheim produite à Broadway. Ça s'intitulait A Funny Thing Happened on the Way to the Forum en 1962. Et puis pour débuter, Everybody Says Don't, extrait de Anyone Can Whistle en 1964. Un premier flop, eh oui, pour Stephen Sondheim. Une œuvre, à vrai dire, au contenu très politique à propos d'une femme mère corrompue et très dictatorial. Ce matin, la 42e rue de France Musique vous propose de larges extraits du concert des BBC Proms qui célébrait cet été les 85 ans de Stephen Sondheim, dieu vivant de la comédie musicale, avec parmi les artistes une grande dame du théâtre et du cinéma, Shan Phillips. Elle a joué aux côtés de son ex-mari, Peter O'Toole, elle a joué aux côtés de Judi Dench, au théâtre, au cinéma. Au cinéma, c'était notamment dans Dune de David Lynch ou dans Goodbye Mr. Chips. En 1995, Shan Phillips interprétait la mère de l'héroïne dans A Little Night Music, une comédie musicale de Stephen Sondheim inspirée d'un film d'Igmar Bergman, Le songe d'une nuit d'été. L'histoire d'une comédienne qui, au hasard d'une tournée, retrouve son ancien amant marié, père de plusieurs enfants et qui a des remords. Sa mère, c'est celle qu'interprétait Shan Phillips, une ancienne courtisane, qui se rappelle le bon vieux temps lorsque les liaisons n'étaient pas ce qu'elles sont devenues aujourd'hui. Liaison, une musique, des paroles, signée Stephen Sondheim, interprétée par Shan Phillips, accompagnée par Anthony Brown et Richard Sisson, et puis ensuite des extraits de Sweeney Todd, Follies et Passion, trois autres comédies musicales de Stephen Sondheim. I spent a somewhat infamous year at the villa of the Baron de Signac. I had ladies in attendance, fire opal pendants. Liaisons, what's happened to them? Liaisons today, disgraceful. What's become of them? Some of them hardly pay their shoddy way. What once was a rare champagne is now just an amiable hock. What once was a villa at least is digs. What once was a gown with train is now just a simple little frock. What once was a sumptuous feast is figs. No. Not even figs. Raisins. Ah, liaisons. Where was I? Ah, yes. At the palace of the Duke of Ferrara, who was prematurely deaf but a dear. At the palace of the Duke of Ferrara, I acquired some position, plus a tiny titian. Liaisons, what happened to them? Liaisons today. To see them, indiscriminate women, it pains me more than I can say. The lack of taste that they display. Where is style? Where is skill? Where is forethought? Where's discretion of the art? Where's passion in the art? Where's craft? With a smile and a will, but with more thought. I acquired a chateau extravagantly overstaffed. Too many people muddle sex with mere desire, and when emotion intervenes, the nets descend. It should on no account perplex, or worse, inspire. It's but a pleasurable means to a measurable end. Why does no one comprehend? Let us hope this lunacy is just a trend. Where was I? Oh, yes. In the castle of the King of the Belgians, we would visit through a false chiffonier. In the castle of the King of the Belgians, who when things got rather touchy, deeded me a duchy. Liaisons, what's happened to them? Liaisons today. Untidy, take my daughter, I taught her, I tried my best to point the way. I even named her Desiree. In a world where the king are employers, where the amateur prevails and delicacy fails to pay. In a world where the princes are lawyers, what can anyone expect except to recollect me. quickly pity leads to love. All this happiness, merely from a glance in the park. So much happiness, so much love. I thought I knew what love was. I wish we might have met so much sooner. I didn't know how much I could feel. All the time we lost. I didn't know how love was. I never knew what love was, and now I do. Happiness I feel with you. So much happiness. Nearly from a glance in the park. By chance, by necessity. Surely all this happiness. The sadness that we saw in each other. No one else has ever felt before. Just another love story. That's what they'll claim. Another simple love story. Aren't all of them the same? So much more, like every other love story. Some say happiness comes and goes. Then this happiness is a kind of happiness no one really knows. I thought I knew what love was. I'm learning. I thought where there was love, there was shame. That with you. But with you, there's just happiness. Endless happiness. Ces concerts ce matin sur la 42e rue de France Musique, célébration des 85 ans de Stephen Sondheim, un concert donné au BBC Proms en août dernier. Un instant, Happiness, extrait d'une comédie musicale que les Français et plus particulièrement les Parisiens vont découvrir en mars au Châtelet. Une comédie musicale intitulée Passion, signée en 1994. C'est en fait l'adaptation du film Passion d'amour d'Ettore Scola, avec un Bernard Giraudeau, soldat qui tombait sous la séduction d'une femme assez laide. Au Châtelet, c'est Nathalie Dessay qui incarnera cette femme, Fosca. Et Happiness sera l'une de ses chansons principales sur scène. Auparavant, vous avez entendu Rain on the Roof, un pastiche de vaudeville des années 20 dans la comédie musicale Follies en 1971. By the Sea, la chanson de l'horrible charcutière cannibale dans Sweeney Todd, la légende de l'égorgeur de Fleet Street en 79. Et puis donc Liaison, interprété par Sean Phillips. Les deux chanteurs ce matin de ce concert autour de Stephen Sondheim, qui était présent à Londres en août, ce sont pour l'une, une soprano formée au répertoire classique, Kitty Whiteley. Elle a chanté notamment dans le Magnificat de Bach ou dans Così fan tutte de Mozart. Quant au chanteur, Jamie Parker, il est issu du Royal Academy of Dramatic Art. On l'a vu notamment dans l'adaptation récente à Londres de la comédie musicale High Society de Cole Porter, et aussi dans A Little Night Music de Stephen Sondheim. Et voici maintenant une chanson d'une œuvre moins connue, Evening Primrose, une comédie musicale créée pour la télévision, signée par Sondheim en 1966. La chanson s'intitule Take Me to the World. Let me see the world with clouds. Take me to the world. Out where I can push through crowds, take me to the world. Oh, world that smiles with streets instead of aisles, where I can walk for miles with you. Take me to the world that's real. Show me how it's done. Teach me how to laugh, to feel. Move me to the sun. Just hold my hand. Where better here. I know, I've seen them both. Let me see the world. Poet doesn't count for much out there. Take me to the world. I'd be cold and hungry in the winter. Somewhere I can walk. In a dark, shabby miles, room. Take cracked me to plaster, the world. Threadbare things. With all you couldn't get a job. I couldn't hold one. Things growing. We begin to hate each other. Fights. Make a sound. Cry. I couldn't bear it if you cried. Let me see the world. I have seen that's the real. World. Show me how it's done. And it's mean and ugly. Teach me how to laugh. You laugh to together. Feel. Move me to the sun. Fears were wrong. And I've always loved you. And we're green the last time. We can always feel the time I was happy. Pretending I reach for you. How many mornings are there still to come? How much time can we hope that there will be? Not much time, but it's time enough for me. Trop de petits matins, too many mornings. Extrait de la comédie musicale Follies de Stephen Sondheim en 1971. Les affres d'un homme marié qui hésite à quitter sa femme. Et puis Take Me to the World, extrait de Evening Primrose. C'était en 1966. Ce matin, nous ouvrons la première 42e rue de l'année 2016 avec un concert intimiste autour des œuvres de Stephen Sondheim. Parolier, compositeur, Sondheim a étudié la voix, la musique savante avec Milton Babbitt et la comédie musicale avec celui qui était presque son père adoptif, Oscar Hammerstein, le librettiste, le parolier, le faiseur des grandes comédies musicales de l'âge d'or américain, de Showboat à La Mélodie du Bonheur. Sans compter que Sondheim a débuté par un coup de maître en écrivant les paroles de West Side Story aux côtés de Leonard Bernstein. Sondheim a côtoyé les plus grands, il n'a de cesse, durant toute sa carrière et encore actuellement, de repousser les frontières de la comédie musicale en multipliant les genres et en proposant des œuvres sophistiquées finalement très proches par leur intelligence de l'opéra. L'une de ses spécialités, ce sont les petites scènes en musique, les chansons qui racontent une histoire. Il adore mettre des dialogues en musique. C'est d'ailleurs ce qu'il reproche à l'opéra traditionnel lorsqu'un acteur peut, dit-il, mettre trop longtemps à chanter, ferme la porte. Voici un petit exemple de scène, mise en musique, imaginée entièrement, mise en scène par la musique, par Stephen Sondheim. C'est dans Company, un musical concept, comme on dit, un concept musical en 70. Un spectacle révolutionnaire, avec un son très 70s, qui parfois emprunte au rythme latino. Alors là, ça raconte les affres d'un quadragénaire, célibataire, que tous ses amis poussent à se marier et qui préfère collectionner les femmes. Par exemple là, maintenant, en ce petit matin, il est au lit avec une belle hôtesse de l'air. Il fait semblant quand même de la retenir alors qu'elle doit retourner à l'aéroport pour embarquer pour Barcelone. Tellement bien qu'à la fin, elle succombe et décide de rester à son plus grand dépit. Where are you going? Barcelona. Oh. Don't get up. Do you have to? Yes, I have to. Oh. Don't get up. Now you're angry. No, I'm not. Yes, you are. No, I'm not. Put your things down. See, you're angry. No, I'm not. Yes, you are. No, I'm not. Put your wings down and stay. I'm leaving. Why? To go to. Stay. I have to fly. Fine, no, to Barcelona. Look. You're a very special girl, not just overnight. No, you're a very special girl, and that because you're bright. Not just because you're bright. You're just a very special girl, June. April. Thank you. What you thinking? Barcelona. Oh. Flight 18. Stay a minute. I would like to. So? Don't be mean. Stay a minute. No, I can't. Yes, you can. No, I can't. Where are you going? Barcelona. So you said. And Madrid. Bon voyage. On a Boeing. Good night. You're angry. No. I have to. Right. Report to. Go. That's not to say that if I had my way, well, I guess. Okay. What? I'll stay. But. Oh, God. George, why do you always get to sit in the shade while I have to stand in the sun? George? Hello, George. There is someone in this dress. A trickle of sweat. The back of the head. He always does this. Now the foot is dead. Sunday in the park with George. One more. The collar is damp, beginning to pinch. The bustle slipping. I won't budge one inch. Who was at the zoo, George? Who was at the zoo? The monkeys and who, George? The monkeys and who? Don't move, please. Artists are bizarre. Fixed, cold. That's you, George, you're bizarre. Fixed, cold. I like that in a man. Fixed, cold. God, it's hot out here. Well, there are worse things than staring at the water on a Sunday. There are worse things than staring at the water as you're posing for a picture being painted by your lover in the middle of the summer on an island in the river on a Sunday. The petticoat's wet, which adds to the weight. The sun is blinding. All right, concentrate. Eyes open, please. Sunday in the park with George. Look out of the water, not at me. Sunday in the park with George. Concentrate, concentrate. Oh. Well, if you want bread and respect and attention, not to say connection, modeling's no profession. If you want instead, when you're dead, some more public and more permanent expression of affection, you want a painter, poet, sculptor, preferably marble, granite, bronze, durable, something nice with swans that's durable forever. All it has to be. And George, you're good. You're really good. George's stroke is tender. George's touch is pure. Your eyes, George. I love your eyes. I love your beard, George. I love your size, George. But most, George, of all, but most of all, of your painting. I think I'm fainting. The tip of the stay. Right under the tit. No, don't give in. Just lift the arm a bit. Don't lift the arm, please. Sunday in the park with George. Bustle high, please. Not even a nod. As if I were trees. The ground could open. He would still say, please. I'll never know with you, George. Who could know with you? The others I knew, George. Before we get through, I'll get to you too. Posing for a picture after getting up at 7 to come over on the ferry to come over to an island in the middle of the river, half an hour from the city, on a Sunday. On a Sunday. In the park with... Don't move the mouth! Sunday in the Park with George, la chanson-titre de cette comédie musicale de 1984 autour de la figure du peintre, de l'artiste, de George Seurat et de son modèle. Nous refermons ce concert avec une autre corde à l'arc de Stephen Sondheim, la musique de film. Il a composé notamment la musique de Reds, le film de Warren Beatty, et une chanson intitulée Goodbye for Now. Et juste auparavant, voici peut-être la plus belle chanson de Stephen Sondheim. C'est un cri de détresse d'une femme qui se demande si elle ne s'est pas trompée en épousant son mari et si elle n'aurait pas dû épouser son premier amour qui vient de rentrer de nouveau dans sa vie. Ça s'intitule « Losing My Mind », cet extrait de la comédie musicale « Follies ». I think about you. The coffee cup, I think about you. I want you so. It's like I'm losing my mind. The morning ends, I think about you. I talk to friends, I think about you. And do they know? It's like I'm losing my mind. All afternoon, doing every little chore, the thought of you stays bright. Sometimes I stand in the middle of the floor, not going left, not going right. I dim the lights and think about you, spend sleepless nights to think about you. Were you just being kind? Or am I losing my mind? I want you so. It's like I'm losing my mind. Like I'm losing my mind. All afternoon doing every little chore, the thought of you stays bright. Sometimes I stand in the middle of the floor, not going left, not going right. I dim the lights and think about you, spend sleepless nights to think about you. You said you loved me. Oh, were you just being kind? Or am I by the blue, purple, yellow, red water. On the green, purple, yellow, red grass. Let us pass through our perfect park. Pausing on a Sunday. Sunday, le final de Sunday in the Park with George, la comédie musicale de Stephen Sondheim, parfaite pour un dimanche de 42e rue. Vous avez entendu ce matin sur la 42e rue un cabaret Sondheim donné le 17 août à Londres dans le cadre des BBC Proms avec Sean Phillips, Kitty Wakely, Jamie Parker au piano Richard Sisson et au saxophone Anthony Brown. Et on clôt, comme chaque dimanche, cette 42e rue par l'actualité riche en ce début d'année avec une rareté à ne pas rater. Une comédie musicale française de Maurice Yvain et Albert Wilmetz. Yes, ça sera au Café de la Danse cette semaine à l'occasion du cinquantenaire de la disparition du compositeur Maurice Yvain. Alors l'histoire, ne cherchez pas, il y a un richissime roi des pâtes alimentaires, une petite manucure, un brave domestique, une maîtresse mariée, un cocu sympathique. Ce qui compte, c'est que le directeur musical Jean-Yves Ezik et le musicologue Christophe Mirambeau ont restauré la version originale pour deux pianos de cette production. Sur scène, vous verrez des acteurs habitués à la comédie musicale comme Léo Vaniro, qu'on a vu à Mogador, ou encore Charlène Duval. Et tout cela sera sous la direction musicale de Jean-Yves Ezik, une mise en jeu de Christophe Mirambeau et une chorégraphie de Caroline Rollands. Yes, à vrai dire, ça vous rappelle peut-être quelque chose, parce que c'est le titre du dernier album solo de Julie Fuchs, couronné diapason d'or France Musique cette année. Elle y reprend de nombreux airs d'opérette, et notamment la chanson-titre de Yes. Pour l'Angleterre, en sachant seulement dire yes tout simplement, à quel point j'étais téméraire. Ah, c'est fou ce que ce mot peut être, dangereux, sournois, perfide et traître. Ce petit oui étranger et si doux, si léger, qui paraît sans aucun danger. Il ne faut pas s'y fier, car on est stupéfié de voir tout ce qu'il peut signifier. C'est un mot tout petit, mais par lequel on dit qu'on a qui est. Yes! C'est un mot si gentil qui entraîne à toutes les gentillesses. Yes! Devant le registre, sans amour et sans peur, je m'amène à 3 heures. Et sachant que c'est pour rire que l'on va nous unir, je dis yes! Yes! Yes! Au retour dans l'auto, votre main prend ma haleine. Yes, grimpant sous mon manteau et voyant, je prends de l'ardillesse. Yes, me posant tout à coup, un long plaisir dans le cou. Vous me dites, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous va? Est-ce que je continue? Yes. Vous me dites, mon petit loup, me voilà bien chez nous. Mais je restais sur le qui-vive. Puis vous dites, chère petite campagne, voulez-vous boire un doigt de champagne? J'ai la grande faiblesse, rien que par politesse, de répondre non encore et yes. Car l'extra dry me mit sur les minuit et demi dans un charmant état d'esprit. Et blotti près de toi, tu me dis, prouve-moi ta tendresse. Un mari a le droit d'exiger, c'est la loi des caresses. Puis tu me fais tout bas, enlève dans tes mains, mais le reste tombant près de moi, viens dormir, croyant que c'était pour rire. J'ai dit yes, yes, yes. Puis tu me dis, veux-tu que j'éteigne la lumière dans la pièce? Yes. Comment n'est peux-tu? Chauffons-nous, viens chérie, que je te presse. Yes. Et serré dans tes bras, doucement tu murmuras, sois ma maîtresse, laisse-moi t'aimer, laisse-moi t'adorer, laisse-moi te le prouver. Yes. Yes, à découvrir au Café de la Danse à Paris, jeudi, vendredi et samedi prochain. Plus d'informations sur francemusique.fr, vous trouverez également là-bas sur francemusique.fr le podcast, la réécoute en streaming et puis nous sommes aussi sur Facebook et sur Twitter. Vous étiez sur la 42e rue de France Musique, proposée par Laurent Vallière avec Martine Monnier, Adeline Omello, Fabien Fleura. Très bonne journée, juste après le journal, vous avez rendez-vous avec Renaud Machard. Rideau.